T'en souvient-il, Martine, du cours sur l'empirisme? T'en souvient-il, Martine, du cours sur l'empirisme? Toi, tu lisais le gros roman de Laurent Stern. T'avais les traits tirés et la poterne. T'en souvient-il, Martine, du cours sur l'empirisme? T'en souvient-il, Martine, du cours sur l'empirisme? À la récréation, je tirais sur tes nattes. Alors que sage, tu révisais ton cours de maths. T'en souvient-il, Martine, du cours sur l'empirisme? T'en souvient-il, Martine, du cours sur l'empirisme? Maintenant que dans la Creuse, tu es un stite, au festival du conte, tu hésites. T'en souvient-il, Martine, du cours sur l'empirisme? T'en souvient-il, Martine, du cours sur l'empirisme? J'ai mis à mal tes jugements a priori, mais la causalité est ton pire ennemi. T'en souvient-il, Martine, du cours sur l'empirisme? T'en souvient-il, Martine, du cours sur l'empirisme? Pleine de ta Weltanschauung de bourgeois, te voilà seul, as-tu fait les bons choix? T'en souvient-il, Martine, du cours sur l'empirisme?